Seigneur éternel, je te bénis pour cette merveilleuse journée que tu nous accordes. Père, nous pouvons te dire que nous sommes dans la joie. Éternel, nous pouvons vraiment te dire que nous avons la paix, tu es avec nous et que nous sommes fiers de toi. Oui, bien-aimé, où que tu sois, peut-être tu es éprouvé, tu traverses des épreuves, mais il faut que tu saches quelque chose. Il faut que ça soit clair pour nous, les enfants de Dieu. Dieu était tranquille au ciel. Il crée Adam et Ève, il les place dans le jardin d'Éden. Il savait qu'Adam et Ève auront des enfants, une descendance, et qu'ils allaient remplir la terre. Le diable, dans son orgueil, il a dit, ah non, Dieu là, moi je veux être égal à lui. Allez lire dans le livre d'Ézéchiel, il a dit, moi je dois être égal à lui. Moi aussi je dois avoir un trône. Il faut qu'on m'adore aussi comme on l'adore. Et il a réussi à corrompre des anges qui l'ont suivi dans cette folie. Et Dieu a dit, mais celui-là se prend pour qui? C'est alors que Michaël et les anges de Dieu vont faire la guerre contre le dragon, c'est-à-dire contre le diable et ses démons. Apocalypse chapitre 12. Mais Dieu est Dieu. Personne ne peut tenir devant l'Éternel des armées. C'est alors qu'il a quitté le ciel. On l'a précipité, on l'a jeté comme on jette le sac poubelle. On l'a jeté sur la terre. Dieu a dit, je vais te montrer qui je suis. Dieu crée alors l'enfer. Celui-là et ses démons, ils vont aller dans le feu. L'enfer a été créé pour le diable. Et Satan le sait. Il sera dedans, lui et ses démons, pour l'éternité. Il le sait. Quand le diable tombe sur terre, lui et ses démons, il a dit, il y a quelqu'un là-bas, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Dieu tient tellement à ces gens-là. Bon, pour nous venger, on va tout faire pour entraîner Adam et Ève dans le péché. Comme ça, Adam sera de notre côté. Il ne sera plus du côté de Dieu. Parce que Dieu n'a pas de relation avec le péché. Comme Dieu tient à ce couple-là, Dieu les a bénis. On va tout faire pour que ce couple-là soit de notre côté. Et comme ça, la descendance d'Adam et Ève sera pour nous. Et c'est ce qu'on voit dans le monde. Les païens ne croient pas en Dieu. C'est le plan du diable. On va les amener vers nous. On va les amener, on va les durcir leurs pensées pour qu'ils ne croient pas en Dieu. Vous avez des gens qui vous disent Dieu n'existe pas. C'est le travail du diable dans la tête de ces gens-là. Satan a dit on va tout faire pour que ces gens-là ne croient pas en Dieu. On va tout faire pour qu'ils ne soient pas sauvés. Dieu dans son amour regarde, il voit les hommes, il voit que Satan a réussi à entraîner Adam et la descendance d'Adam dans le péché pour les gérer. C'est pourquoi quand Jésus vient, le diable va le trouver dans le désert. Il lui dit, hey, monsieur, moi là, c'est moi qui gère ici. C'est pas la peine de faire tout ce que tu fais. Si tu m'adores, je te donne. Ne perds pas ton temps à gêner. T'as pas besoin. C'est pas besoin. Si tu mets les genoux devant moi, regarde les richesses de la terre, je les donne à qui je veux. Mais ce que le diable a oublié, il parle à l'Éternel des armées. Satan est vraiment ridicule. Il a oublié qu'il n'est qu'une simple créature. Bien aimé, je peux parler de ça avec joie. Parce que Dieu a posé un acte fort dans ma vie. Son fils Jésus, le juste, celui qui est pur, qui n'a jamais commis le péché, est venu à la croix pour que j'entre gratuitement dans la maison de Dieu. Mon Dieu, bien-aimé, quand je vois que les hommes, ils font des fêtes, parce qu'il a eu un doctorat, il fait une fête. Quelqu'un s'est marié, il fait une fête. Bien-aimé, mais nous ne faisons pas de fête. Quand nous entrons, quand Dieu nous accorde sa grâce, la grâce de devenir enfant de Dieu, vous vous rendez compte? Ça, c'est plus qu'un diplôme. Ça, c'est plus qu'un mariage. Tu deviens enfant de Dieu. Tu te rends compte gratuitement. Et c'est Jésus qui a payé la facture à la croix. Et toi, tu viens là. Tu es purifié par le sang de Jésus. Tu es sanctifié par le sang de Jésus. Et tu deviens enfant de Dieu. Bien-aimé. Vous avez vu les aides-camp d'un président de la République. L'aide-camp du président, il ne dort pas dans la maison du président. Mais l'enfant, le fils du président, il est dans la maison de son père. Les anges sont des esprits au service de Dieu. Les anges ne sont pas des enfants de Dieu. Mais toi, tu es enfant de Dieu. C'est-à-dire que les anges se tiennent devant le trône. Mais toi, tu rentres dans la maison de ton père. Tu es son enfant. Tu es son enfant. Vous vous rendez compte? On fait des fêtes pour les choses de la vie. Oh, j'ai eu une promotion, une fête. Oh, j'ai réussi à un examen, une fête. Mais alors que vraiment nos statuts d'enfant de Dieu, bien-aimé, tu l'as eu gratuitement et c'est Jésus qui a souffert à la croix. On devrait faire une fête pour ça. Parce que ton diplôme, un jour tu vas mourir, il restera. Ton mariage, là, un jour tu vas mourir, ça reste. Mais la vie éternelle, le statut d'enfant de Dieu, tu l'as pour l'éternité, ça ne restera jamais. Vous vous rendez compte, on devrait faire la fête pour ça. Mais comme les hommes attachent de l'importance aux choses de la terre, on ne fête pas pour ça, alors qu'on devrait faire une fête pour ça. Le jour où Jésus t'a reçu, où tu es rentré dans sa maison, dans sa demeure, le jour où tu l'as reçu, c'est un jour où tu dois faire la fête. Mais tu fais la fête pour un diplôme, mais un diplôme restera un jour. Tu seras dans un cercueil, on t'enterre, le diplôme est resté. Tu fais la fête parce qu'on t'a donné une promotion. On devrait fêter parce que Dieu, dans son amour, nous a sauvés. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Vous vous rendez compte? Les anges nous envient. Les anges sont des esprits au service de Dieu. Mais ils ne sont pas des enfants de Dieu. Mais nous, on est des enfants de Dieu. La Bible dit, celui qui me touche, touche à la prunelle de son œil. Vous vous rendez compte? Celui qui me touche, il touche à la prunelle de son œil. Je suis son bijou. Il m'aime. Il a les regards sur moi. Pas que je suis fidèle. Mais son amour est tellement grand que Jésus-Christ a tout payé à la croix. Son cœur bat. Dieu me regarde jour et nuit. Parce que tu es son enfant. Réjouis-toi. Tu devrais faire une fête pour ça. Bon, bref. La Bible dit, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être confronté. Qu'est-ce qui se passe? Satan, sachant, lui, c'est des mots que l'enfer a été préparé pour lui. Quand le diable regarde l'enfer, il voit l'étendue de feu, il dit, oh là là, je serai dedans pour l'éternité. Ah non, la seule façon de se venger, c'est d'entraîner le maximum de personnes en enfer. On va les rendre incrédules pour qu'ils ne croient pas en Dieu. Il dit aux démons, allez, travaillez dans les têtes. On va les rendre incrédules. On va faire en sorte qu'ils ne croient même pas en Dieu. On va faire en sorte qu'ils nous croient, on va les lier dans les religions, on va créer des milliers de religions afin de les tenir captifs dans des religions, afin qu'ils ne viennent pas à Jésus, qu'ils restent scotchés dans les religions. Et c'est ce qu'on voit, plusieurs religions, chaque religion tresse sa voie pour être sauvée. C'est le travail du diable et ses démons, créer des religions. Ensuite, ils suscitent des sociétés secrètes, des loges. Des trucs occultes, la magie noire, la magie blanche, l'occultisme, des pratiques ésotériques, tout ça, c'est pour garder le maximum de personnes loin de Dieu. Bien-aimés, mais Jésus-Christ est Seigneur. Je vous dis une chose, quel que soit ce que le diable peut faire sur terre, il peut créer des milliards de religions, il peut créer des milliards de loges. Dieu ne peut jamais échouer. Jésus-Christ a dit, mes brebis, moi je les connais. Elles entendent ma voix. Quand je les appelle, elles viennent. En tout cas, le fils de la perdition ira à la perdition, mais la brebis du Seigneur sera sauvée. Ne vous inquiétez pas, Dieu est au contrôle et Dieu gère tout. Je vais lire ce que le bien-aimé Christ Jésus nous dit dans l'évangile de Jean. Gloire à Dieu. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, il est écrit, il y a plusieurs demeurent dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mon frère, ma soeur, tu es en train de tu es éprouvé. Tu as des difficultés. Tu vis dans la galère. Rien ne marche. Bien-aimé, c'est Satan qui t'attaque. Mon frère, je prie Dieu pour que Dieu t'ouvre les yeux. L'apôtre Paul disait, mourir m'est un gain. L'apôtre Paul disait, mourir m'est un gain. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on parle comme l'apôtre Paul. Les choses qui avaient de la valeur pour moi, grâce à la connaissance de Jésus, je les vois maintenant comme de la boue. Bien-aimé, les persécutions que tu as, c'est parce que Satan a décidé, coûte que coûte, qu'il faut que tu sois avec lui en enfer. C'est le plan. C'est le plan du diable. Ne laisse pas, mais vraiment bien aimé, ne jette pas l'éponge. Je vais lire ici dans 2 Timothée chapitre 4. Il y a un chrétien comme toi et moi qui aimait Jésus et qui suivait le Seigneur. Mais quand il a vu qu'il y a des épreuves que Satan amène, parce que je te fais savoir que c'est Satan, les épreuves que tu endures là, Satan veut t'arrêter, il ne veut pas que tu sois sauvé. La Bible dit dans 2 Timothée au chapitre 4, car des masses, un frère en Christ, des masses m'a abandonné par amour de ce siècle. Des masses étaient dans le Seigneur avec Paul et les autres. Il combattait dans la prière, il priait. Mais voyant les épreuves, les difficultés de la vie, Demas a dit, bon, bien aimé, moi, la Bible dit, par amour de ce Seigneur, il a dit, non, moi je préfère retourner dans le monde. Je préfère retourner dans le monde. Tant pis, ce qui m'arrivera, m'arrivera. Je préfère retourner dans le monde. Mais je te le dis, mon frère, Demas va le regretter au dernier jour. Parce que l'enfer est une réalité. Si l'enfer n'existait pas, le diable n'allait pas attaquer les hommes. C'est parce que l'enfer existe que Satan, il attaque, il crée des religions, il crée des guerres pour tuer les gens. C'est parce que l'enfer est une réalité. Demas abandonne Jésus pour l'amour du monde. Demas a dit, non, depuis que je suis en Christ, non, j'ai trop de difficultés. Bon, c'est pas grave, ce qui m'arrivera, m'arrivera. Je retourne dans le monde. Mais si toi tu le dis, tu le regretteras. Tu le regretteras parce que Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils. Vous savez tout ce qu'il a enduré pour que le salut nous soit donné gratuitement. Mais pourquoi Dieu a envoyé Jésus? Parce que Dieu, dans son amour, lorsqu'il a regardé les hommes, il a vu à quel point on est déjà infecté du péché. À quel point le péché est en nous. Dieu a dit, ces gens-là, je ne veux pas les perdre. Je ne veux pas qu'ils aillent en enfer. Parce que l'enfer, je l'ai préparé pour le diable et ses démons, pas pour les hommes. Je dois tout faire pour que Satan ne les entraîne pas là-bas. Et c'est pourquoi Jésus est venu à la croix. Pour payer pour nos péchés. Maintenant, si tu abandonnes Jésus, c'est que toi-même tu retournes vers le diable. Parce que c'est ce que le diable veut. Le diable veut que tu abandonnes Jésus. Parce que le diable veut que tu ailles en enfer. Donc si toi-même tu abandonnes Jésus, parce que Satan amène des difficultés dans ta vie, il amène des blocages. Parce que le but de ces blocages, c'est pour que tu abandonnes Jésus. Et si tu acceptes d'abandonner Jésus, parce que tu as des blocages, des difficultés, mais Satan peut se frotter les mains. Il a obtenu ce qu'il attendait de toi. Parce qu'il veut que toi et lui vous alliez en enfer. C'est son plan. Donc il veut rester ferme. Regardez ce croyant, Lazare. La Bible ne dit pas que Lazare était fou. La Bible dit que Lazare mangeait dans la poubelle d'un homme riche. Mais la Bible n'a jamais dit que c'était un fou. C'était quelqu'un de comme toi, comme moi. Il avait, c'est sûr qu'il avait des difficultés pour trouver un boulot. C'est sûr. C'était pas un fou. Il ne trouvait pas du travail. Mais il fallait bien qu'il mange. Obligé d'aller chercher, manger les restes d'un homme riche. Mais il n'était pas un fou. C'était quelqu'un de normal. Mais il ne trouvait pas de boulot. Mais Lazare, malgré les difficultés qu'il a endurées, qu'est-ce que vous croyez? C'est sûr que les gens se moquaient de lui. Oh, il dit qu'il croit en Dieu. Le pauvre là, s'il croit en Dieu, il n'a même pas un travail. Nous, on ne croit pas en Dieu. On a des maisons. C'est sûr que les gens se moquaient de lui. C'est sûr que peut-être toi, tes collègues, tes amis, ta famille, on se moque de toi. Peut-être on est en train de te dire, quoi en Dieu, c'est une vieille demoiselle, ne trouve pas un mari. Peut-être on se moque de toi, comme on se moquait de Lazare. Mais Lazare n'a pas perdu sa foi. Il est resté ferme, ferme. Et qu'est-ce qui se passe quand l'homme riche est mort? Il a vu Lazare où? En enfer? Non, Lazare était au ciel. Bien-aimé, quelles que soient les difficultés de la vie, ne perds pas ta foi. Ne fais pas comme Demas, 2 Timothée 4, qui abandonne Paul et les autres frères. La Bible dit, pour l'amour du monde, Demas a dit, oh, ça fait longtemps que je prie, j'ai trop d'ennui, j'ai trop de difficultés, je ne vois pas les résultats. Bon, c'est pas grave, je préfère retourner dans le monde. Parce que vous avez des gens comme ça. Mais je te dis que quand tu retournes dans le monde, Satan chante, Satan et ses démons dansent. Parce que c'est leur plan que tu décroches et retournes de leur côté. Parce que quand tu retournes là-bas, tu vas les trouver pour aller ensemble en enfer. Je vais lire ici, dans Hébreux chapitre 10, la Bible dit, au verset 38, « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Quiconque abandonne Jésus a choisi lui-même l'enfer. Celui qui se retire va à la perdition. C'est pourquoi nous devons demeurer fermes, Seigneur. C'est bien aimé, il faut que nous soyons fermes. Tu as attaqué, frère. C'est pas grave. Tiens ferme. Moi qui vous parle, je suis attaqué. Tout le monde. Le diable attaque les élus de Dieu. Personne n'est épargné. La seule différence, c'est qu'on n'est pas attaqué dans les mêmes domaines. Il y a des gens qui sont attaqués au niveau de leur corps par des maladies inguérissables. D'autres le sont au niveau du travail, ils n'arrivent pas à trouver du boulot. D'autres le sont au niveau de leur vie. Vous avez des femmes qui n'arrivent pas à faire d'enfants. C'est le diable. D'autres le sont peut-être dans leurs études. L'école ne marche pas. Nous sommes tous attaqués, mais pas dans les mêmes domaines. Le diable nous vise. Mais il ne faut pas abandonner. Parce que la Bible dit dans le livre d'Hébreux, ceux qui abandonnent, ceux qui se retirent, c'est pour leur perdition. Ils iront avec l'enfer, ils iront avec Satan dans l'enfer. Frère, reste ferme. Reste ferme. Bien-aimé, je vous dis, si Jésus m'apparaissait aujourd'hui, je lui dirais, Seigneur, prends-moi le souffle de vie aujourd'hui. Parce que ce qui est de l'autre côté, là où on va là, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu, bien-aimé. C'est la gloire. Moi, je suis pressé. Si Dieu devait me prendre aujourd'hui, gloire à Dieu, je vais fêter, je vais danser. Même si quelqu'un restera avec mon compte bancaire. C'est pas grave. L'argent qui est dans mon compte, même si une autre personne prend ça, c'est pas grave. On prend ma voiture, c'est pas la fin du monde. Je m'en vais dans la gloire de Dieu. Moi, je n'attends que ça. Je n'attends que ça. Je bénis le Seigneur parce que personne ne connaît son jour. Bien-aimé, il faut que notre cœur soit de l'autre côté. Jésus a dit, là où est ton trésor, sera ton cœur. Mon frère, ton cœur est où? Sur ta femme. Ton cœur est où? Ma soeur, sur ton mari. Ton cœur est où? Sur ton boulot. Ton cœur, c'est où? Sur ton corps. Sur ta beauté. C'est là où est ton cœur. Ton cœur est où? Sur ta famille. Ton cœur doit être là-bas. Donc, il ne faut pas que Satan t'aveugle. Quand tu as les yeux ouverts et que tu vois ce qui t'attend là-bas, dans le royaume de Dieu, je te dis, rien ne peut plus t'arrêter. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, la mort m'est un gain. Et l'apôtre Paul disait, je suis pressé de m'en aller, je suis pressé. Et l'apôtre Paul dit, si j'avais à choisir, moi je choisirais le départ aujourd'hui même. La gloire t'attend là-bas. La gloire de Dieu. La gloire t'attend, enfant de Dieu. Les anges vont applaudir. Les anges vont applaudir quand tu vas arriver, l'enfant de Dieu. Les anges sont des serviteurs au service de Dieu. Et quand l'enfant de Dieu va arriver, les anges applaudissent. Ils applaudissent. C'est le fils du patron qui passe. C'est le fils du patron. C'est le fils du chef. C'est le fils, c'est la fille du patron. Les anges applaudissent. Tu es là, revêtu de fin lin. Tu brilles plus que le soleil. Parce que le sang de Jésus a purifié ton âme et ton esprit. Tu es là, tu brilles comme ton père. D'accord? Tu as un corps céleste comme le corps de ton père. Les anges se mettent là au garde à vous. Ils vont applaudir. C'est le fils, c'est la fille du patron qui passe. Bien-aimé, pas pour un an, pour l'éternité. Bien-aimé, ouvrez vos yeux. Il faut que tu aies le regard là-bas. Frère, la Bible dit dans le livre de Timothée, si tu as le vêtement et la nourriture, ça te suffit. Oh. Parce que ceux qui veulent s'enrichir là, selon Timothée 6, ils tombent dans le piège de l'ennemi. Et la Bible dit, l'amour de l'argent a fait même en sorte que beaucoup se sont égarés loin de la foi. Ce sont les pièges. Bien-aimé, tu vas construire des maisons. Demain, tu seras enterré, les maisons restent. Mais la maison que Dieu t'a fait là-bas, tu ne la quitteras jamais. Mais la maison de la terre, le commerce que tu fais, ça va rester. C'est pas mauvais. Mais il ne faut pas que ton cœur soit là-dedans. C'est pas mauvais. Bien-aimé, il y a un monsieur qui m'a appelé tout dernièrement. Frère, je veux que tu pries pour moi. J'ai des difficultés dans ma vie. Ok. Je lui ai dit, bien-aimé, si Jésus te prenait aujourd'hui, est-ce que tu es sûr d'aller au ciel? Il a commencé à bégayer, tourner en rond. Tu veux que je prie pour toi? Parce qu'il parlait du travail. Il a des factures. Mais tu n'as même pas encore l'assurance de ton salut. Et c'est le travail. Tu appelles pour que tu trouves du boulot. La Bible dit, cherche en premier les choses du royaume. Cherche en premier. Il faut que les choses du royaume soient. Occupe ton cœur en premier, pas les choses de la terre. Tu appelles parce que tu veux du boulot et tu n'as même pas l'assurance de ton salut. Ne sais-tu pas que tu peux avoir un travail et aller en enfer? La mort ne dit pas, toi là, je viens dans 2 jours. La mort ne va pas signaler. La mort ne viendra pas. Peut-être quelqu'un ce matin bien habillé, alors qu'il lui reste juste 3 jours. 3 jours. Peut-être moi qui vous parle là. Vous pouvez entendre que ça y est, aujourd'hui même il est parti. Personne ne connaît ni l'heure ni le jour. C'est pourquoi il faut être attaché à Dieu. Tu construis les maisons, peut-être tu n'habiteras même pas là-dedans. Est-ce que tu sais le jour où Dieu te prendra? C'est pourquoi je vous ai parlé d'un oncle à moi. Il était très jaloux quand sa femme, il se baladait avec sa femme en ville. Même si un collègue de classe de lycée qui connaît sa femme dit bonjour à sa femme, c'est un drame à la maison. C'est la bastonnade. L'homme là t'a dit bonjour. Vous vous connaissez comment? Mais ce monsieur est mort. Si vous voyez les gens qui couchent avec la femme là aujourd'hui, vanité des vanités. Vanité, c'est d'autres personnes qui couchent avec. Il est enterré, mais il ne sort plus du tombeau pour venir défendre sa femme. C'est des futilités. Il faudrait que vous ayez votre cœur dans le royaume, au royaume de Dieu. C'est Dieu qui est important pour toi. Mon frère, ma soeur, les choses de la vie là, tu vas les abandonner. Mais Dieu sera avec toi. La gloire sur terre, tu n'as pas la richesse. La richesse t'attend de l'autre côté. Sur terre, tu n'étais pas quelqu'un. Ici là, tu n'as pas eu l'argent pour construire une maison. Dieu a déjà construit une maison pour toi. Dans un monde merveilleux. Dans un monde où il n'y a pas de méchanceté. Dans un monde où le terrorisme n'existe pas. Dans un monde où l'injure n'existe pas. Dans un monde où il n'y a pas de racisme. Dans un monde où il n'y a pas de coup de poing. Dans un monde où il n'y a pas de calomnie. Dans un monde où on t'a critiqué, ça n'existe pas là-bas. Le monde de l'amour, ce que l'œil de l'homme n'a jamais vu. Il y a quelque chose de merveilleux qui t'attend. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas tomber dans le piège du diable qui veut que tu abandonnes à cause des petites difficultés de la terre. C'est pourquoi Dieu dit, si tu as le vêtement et la nourriture, ça te suffit. Ne cherche pas trop. Ne cherche pas trop parce que le bonheur t'attend de l'autre côté. Ce que tu dois faire, c'est d'attraper la main de Jésus. Jésus, je ne te lâche pas. Jésus, je ne te lâche pas. Tenir la main de Jésus. Moi, je ne te lâche pas. Tu vas à gauche, je suis avec toi. Tu vas à droite, je suis avec toi. Je ne t'abandonne pas parce que tu es mon sauveur. Je ne t'abandonne pas parce que le Père t'a envoyé pour moi. Je ne t'abandonne pas parce que le Père t'a envoyé parce que j'étais déjà perdu. C'est pour moi. C'est pour moi que tu es venu sur terre. Tu es venu pour moi parce que Dieu m'aime et Dieu voyait que j'étais déjà perdu. Dieu a vu que par moi-même, je ne pouvais plus avoir le salut parce que je suis pécheur. Ton sang a coulé pour moi, moi je ne t'abandonne pas. Parce qu'en dehors de toi, il n'y aura pas un autre Messie. En dehors de toi, il n'y a personne d'autre qui viendra me sauver. Tu es le seul sauveur, je ne t'abandonne pas. Bien-aimé, Anne, dans l'évangile de Luc, une jeune femme, la Bible dit, son mari est mort, Anne était encore jeune. Mais comme Jésus, la Bible dit, il était rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te montre les choses d'en haut, pas les choses de la terre. Quand vous voyez un homme accroché, il court de gauche à droite pour les choses de la terre, le Saint-Esprit n'est pas là. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, ne donne pas l'amour des choses de la terre. Le Saint-Esprit ne pousse pas l'homme ou la femme à être accro des choses de la terre. Le Saint-Esprit te ouvre les yeux pour les choses d'en haut. Le Saint-Esprit est Dieu. Dieu ne va pas te dire Dieu ne va pas monter tes yeux sur les choses de la terre. Dieu te montre ce qui t'attend de l'autre côté pour t'encourager dans la foi. C'est ce qui se passe. Quand vous voyez, regardez les païens, ils ne dorment pas la nuit. Il est au lit, il est en train de réfléchir. Qu'est-ce que je fais demain? Comment faire pour gagner beaucoup d'argent? Comment? Ils n'ont que ça dans la tête. Mais le Saint-Esprit n'est pas là. C'est pourquoi il faut être rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé, nous ne sommes pas des masses. C'était un frère en Christ comme toi, comme moi. Il a abandonné le Seigneur. Je vais lire dans Apocalypse 19. La Bible dit, une voix sortit du trône et dit, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs. Gloire à Dieu. Vous qui le craignez, petits et grands, et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit de grosses eaux. Un grondement, alléluia, de forts coups de tonnerre. Et elle disait, alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et rendons-lui gloire, car voici le moment des noces de l'agneau et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Bien-aimé, je t'en prie, ouvre bien tes oreilles. Dieu est un Dieu, je vais terminer par ça, Dieu est un Dieu d'amour. Dieu a fait échouer le plan du diable. Parce que le diable étant tombé sur terre a dit, ok, comme tu as créé l'enfer pour moi et mes démons, moi je n'irai pas seul. Où j'amène tous les hommes avec moi. Dieu réfléchit et dit, comment, quelle est la solution pour faire échouer ce plan-là, pour que son plan-là tombe à l'eau. Dieu a envoyé son fils. Dieu, dans sa sagesse, a la solution à tout. Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Quand Jésus vient sur terre, le diable a poussé les hommes. Le diable a rempli la colère, la méchanceté dans les cœurs des hommes pour détester Jésus. Et quand Pilate demandait, mais qu'est-ce qu'il a fait? Vous voulez qu'on le crucifie? Mais il a fait quoi? Crucifie! Oui, bon, d'accord, mais il a fait quoi? Crucifie seulement! Qu'est-ce qu'il a fait? Crucifie! Pilate dit, ok, moi je ne trouve rien de mal en lui. Moi je ne trouve pas de faute ou quoi que ce soit. Je vais laver mes mains parce que c'est vous qui voulez qu'il soit crucifié. Moi, je ne suis pas impliqué. Mais c'est Satan qui était à l'œuvre. Le diable a dit, tous les hommes font des courbettes devant moi. Celui-là, il veut me tenir tête. Bon, la seule solution, c'est de le tuer. Et puis on n'en parle plus, puisqu'il ne veut pas se soumettre à moi. C'est ce qui est arrivé. C'est pourquoi le diable a poussé les hommes à détester Jésus. Parce que Satan a dit, mon Dieu, sur terre, c'est moi qui règne, c'est moi qui est patron ici. Celui-là veut me tenir tête. Donc, comme il ne veut pas m'obéir, parce que Satan est allé lui proposer la gloire du monde lorsque Jésus faisait son jeûne de 40 jours. Mais comme Jésus a refusé, le diable a dit, bon, comme toi, tu ne veux pas faire des courbettes devant moi, moi, la seule solution, c'est de te tuer. Et c'est pourquoi il a poussé les hommes. Crucifie. Puis il a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Crucifie. Oui, mais il a fait quoi? Crucifie seulement. Mais ce que Satan ne savait pas, c'est qu'en faisant ça, il mettait le couteau sur sa gorge. Gloire à Dieu, béni soit le Seigneur. Quand Satan remarque, oh là là, il ne fallait pas qu'on le crucifie. Mais c'est trop tard. Tout a déjà été accompli. Troisième jour, Jésus-Christ sort, roi des rois, seigneur des seigneurs. Le diable a mordu la poussière. Il n'a rien compris. Les hommes sont sauvés. Et Dieu peut dire aux gens, maintenant, le problème du péché est réglé à la croix par mon fils. Venez seulement boire l'eau de vie. Venez gratuitement Venez. Venez, ce n'est plus par vos œuvres. Parce que le salut était impossible. Par vous-même, car le péché est en vous. Maintenant, mon fils a tout accompli à la croix. Recevez-le seulement, parce que celui qui le reçoit comme Seigneur et Sauveur reçoit gratuitement le salut. Vous vous rendez compte? Celui qui va encore aller en enfer aujourd'hui a choisi lui-même l'enfer. Ce n'est plus par tes œuvres. Tu vas dire, oui, mais je suis pécheur. Viens à lui. Viens à Jésus. Il a dit, toi qui es chargé et fatigué, toi qui n'arrives pas à t'en sortir de la cigarette, viens. Toi qui n'arrives pas à t'en sortir de l'alcool, viens. Moi, j'ai la solution. Toi qui n'arrives pas à faire des enfants, viens. Tu es un criminel. Tu as tué des gens. Viens comme tu es. Je ne refuse personne. Peu importe ton péché. Peu importe ce que tu as fait. Viens. Viens. J'ai avorté, c'est pas grave. J'ai tué ma mère dans les pratiques occultes. J'ai tué mon fils pour m'enrichir. Viens. Viens. La porte est ouverte pour tout le monde. C'est Dieu qui pardonne les péchés, quel que soit le péché. Viens. Viens. Tu as tué 10 personnes. Personne ne le sait. On a fait des recherches. On ne sait pas que c'est. Viens à Jésus. Dis à Jésus d'entrer dans ton cœur. Et Jésus va te prouver son amour. Il n'attend que peu importe le péché. Peu importe. Le diable va te dire, non, Dieu ne peut plus te pardonner, tu as tué. Le diable est un menteur. Quel que soit le péché, viens à lui. Et comme Jésus-Christ a vaincu le diable, les hommes sont sauvés, bien sûr, les hommes qui viennent à Jésus. Ne reste pas dans la prison de la religion. Satan a créé des religions. Des religions sont des cages pour garder les gens loin de Jésus. Souvenez-vous de Nicodème. Il connaissait la Bible. C'était un religieux du judaïsme. Le judaïsme, c'est une religion. Mais Nicodème n'était pas sauvé. Peut-être toi, tu appartiens à une religion. Personne n'est sauvé par une religion. C'est en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur qu'on est sauvé. Évangile de Jean au chapitre 1. La Bible est claire, c'est celui qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur qui est sauvé. La Bible ne dit pas c'est celui qui appartient à telle ou telle religion qui est sauvé. Lisez la Bible, Jean chapitre 1. Tu n'es pas sauvé parce que tu es témoin de Jéhovah. Tu n'es pas sauvé parce que tu es catholique. Tu n'es pas sauvé parce que tu es mormon. On n'est pas sauvé parce qu'on est membre d'une religion. On est sauvé parce qu'on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Évangile de Jean au chapitre 1. Lisez. Dieu est content. Mon fils a tout accompli. Les hommes peuvent maintenant venir vers moi gratuitement. Satan a échoué. Satan a mordu la poussière. La seule chose qu'il peut faire maintenant pour t'arrêter, comme il a arrêté Démas qui a abandonné Paul et les autres pour le mort, c'est juste te mettre des bâtons dans les roues. Tout ce que Satan peut faire aujourd'hui, c'est de te mettre des bâtons dans les roues pour que tu jettes l'éponge, pour que tu abandonnes. C'est tout ce qu'il peut faire aujourd'hui. Sinon, Satan a déjà vaincu. Le péché a déjà été vaincu par Jésus à la croix. Tu n'iras plus en enfer parce que c'est ça. Viens à Jésus, quel que tu es, quel que soit ton passé, quel que soit les péchés que tu as fait, viens à lui. Jésus a la réponse. Même si ton cœur est méchant, viens à lui. Il va travailler ton cœur. Tu seras une autre personne. Tu es accro à la drogue. Tu mets les seringues ici, c'est pas grave. Viens à lui comme tu es. Mets-toi dans ta chambre. Dis, Seigneur Jésus, entre dans mon cœur. Entre dans mon cœur, même dans ta chambre, mets-toi à genoux, dis Jésus, je suis lié à la drogue, Jésus, je suis lié à la prostitution, entre dans mon cœur. Je vous dis, la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur d'un cœur sincère sera sauvé. Et Dieu va vous prouver son amour. Dieu va vous prouver son amour. Même si tes actions sont mauvaises, même si tu as fait des vilaines choses dans ta vie, rien n'est perdu. Jésus dit, qui que tu sois, viens à moi. Et je te donnerai du repos. Je te donnerai la délivrance. Je te donnerai la guérison. Je te donnerai la paix du cœur. La paix du cœur. Frère, c'est ça la vérité. Dieu est content. Son fils a tout accompli. Le plan du diable est tombé dans l'eau. Les hommes peuvent maintenant être sauvés. Dieu dit, ok, mon fils, je fais une fête. Je fais une fête, c'est les noces de l'agneau. Tous les rachetés, des millions et des millions de personnes qui viennent de la terre, sauvées gratuitement par le sacrifice de Jésus à la croix. Parmi ces gens, il y avait des criminels dedans, il y avait des homosexuels, il y avait des gens qui ont avorté, il y avait des voleurs, il y a tout. Ils sont sauvés, ils deviennent enfants de Dieu. L'enfant de Dieu ne reste pas dehors. Qu'est-ce que Jésus a dit ? Vous, vous n'êtes pas de ceux du dehors, mais vous êtes ceux du dedans. Quand tu vas aller au ciel, d'accord, les anges sont devant le trône, devant le trône. Mais toi, tu ne te mets pas devant le trône, tu entres dans la maison de ton père. Parce que c'est ton papa qui est roi des rois là, c'est lui. L'éternel, celui qui a créé les cieux et la terre, est devenu ton papa, tu l'appelles papa. Tu vas dans ses bras, oh papa, dans ses bras. Dieu va te tenir dans ses bras, mon enfant. Mon enfant, ma fille, dans ses bras, c'est ton papa. C'est ton papa. Tu ne vas pas rester loin là-bas. Il va te dire, ma fille, viens. Mon fils, c'est ton papa. Et les anges sont là au garde à vous, devant le trône. Mon frère, tu vas rater ça. Tu vas suivre, tu vas faire comme Démas. Abandonner ça, parce qu'il y a des petites difficultés de la vie. Réfléchis. Sois sage. C'est pourquoi moi qui vous parle, frère, la mort m'est un gain. Si vous apprenez que demain Dieu m'a pris, réjouissez-vous, dansez. Je vous dis dansez. Moi je suis content. Quand je m'en vais au royaume de Dieu, je vais danser. Les gens vont me dire, oh, c'est comme je dis, j'attendais ce jour, je l'attendais. Je vois Jésus là-bas, je me mets à genoux, je danse. Oh Seigneur, oh gloire à Dieu, Jésus, oh là là là là, Seigneur, j'attendais ce jour. Et puis je vais lui faire un gros bisou. Parce que c'est grâce à son sang que je suis là. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Dieu a tout fait pour nous. Réjouissons-nous. Supporte. Supporte l'épreuve, bien-aimé. Supporte l'épreuve, ma soeur. Tu as des difficultés dans ta famille. Et ton père et ta mère te détestent. On te fait la guerre. Satan est en train de tout toucher. C'est pourquoi Jésus a dit, vous qui croyez en moi, si tu aimes ta femme plus que moi, tu ne peux pas. Parce que Jésus savait que, comme ton cœur, quand Satan verra que tout ton cœur est sur ta femme, c'est là où la Satan va passer par ta femme. Si tu aimes ton mari plus que moi, tu ne peux pas, tu ne pourras pas me suivre. Parce que quand le diable va regarder comme ça, bon, qu'est-ce qu'il lui... Oh, elle est trop accrochée à son mari. Parce que quand elle ne voit pas son mari, son cœur commence à battre. Elle croit que le mari est déjà avec d'autres copines. Bon, pour casser sa foi, on va passer par le mari. Si quelqu'un aime beaucoup ses enfants, le diable dit, ok, il est tellement accroché à ses enfants. Donc, pour casser sa foi, on va travailler par les enfants et on verra jusqu'où sa foi là va tenir. Cet enfant-là aime Jésus. Bon, les démons, faites tout pour qu'il ne trouve pas du travail. Comme ça, il va abandonner. Toutes les difficultés que nous avons ont un seul but, que tu abandonnes. C'est ce que Satan recherche. Il faut que tu le mettes bien dans la tête. Toutes les difficultés, le but, c'est que tu abandonnes. Que tu n'ailles pas au ciel. Il ne veut pas. Ce sont des... C'est pourquoi Paul dit, Paul, regardez comment on l'a attaqué dans son corps, des maladies, des épreuves, dans tous les sens. Lisez Corinthiens, il a tout enduré. Satan a suscité même des faux hommes de Dieu pour chercher à le tuer. On le mettait en prison. Tout ça, parce que Satan a vu que... Paul là, il est trop accroché à Jésus. On va lui mettre la dose pour qu'il abandonne. Paul n'a pas lâché prise. Quiconque résiste aux épreuves du diable glorifie Dieu. Dieu est honoré par ta foi. Dieu est honoré par ta détermination. Tu ne laisses pas tomber. Oh, tu ne fais pas d'enfant. Le diable va pousser des gens à se moquer de toi. Oh, c'est une vieille fille, elle ne fait pas d'enfant. Ce sont les attaques du diable pour que tu abandonnes la foi. Oh, ce garçon-là n'arrive pas à se marier. Bien-aimé, soyons déterminés. C'est pourquoi Jésus a dit, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Pourquoi? Parce que beaucoup vont faire comme Démas. Beaucoup vont abandonner. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu vas abandonner? Est-ce que tu vas rater le ciel? Est-ce que Satan va réussir à t'entraîner en enfer en passant par les difficultés qu'il va envoyer dans ta vie? Tu vas abandonner. Je vous dis, frère, regardez-moi bien dans les yeux. Moi, je n'abandonne pas. Jésus-Christ a dit, je ne jetterai pas dehors celui qui vient à moi. Je ne le repousserai jamais. Jésus ne va jamais dire à qui que ce soit qui vient à lui, fous-moi le camp. Jamais. C'est quelqu'un de parole. Il a dit, celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Il faut que tu saches que lorsque Démas abandonne Jésus, c'est le choix personnel de Démas. C'est son choix. Les personnes qui abandonnent Jésus, Dieu ne rejette personne. Au contraire, il veut que tous les hommes soient sauvés. Les personnes qui abandonnent Jésus, c'est leur choix. Et Dieu respecte leur choix. Quand tu abandonnes Jésus-Christ, derrière Jésus, c'est le paradis. Derrière le diable, c'est l'enfer. Donc, quand tu abandonnes Jésus, tu as choisi le diable. Il n'y a pas de neutre. Il n'y a pas de « je ne suis pas à Jésus, je ne suis pas au diable ». Ça n'existe pas. Ou tu es dans les ténèbres, ou tu es dans la lumière. Il n'y a pas de juste milieu. Ça n'existe pas. Quiconque n'est pas en Jésus est avec le diable. Que les choses soient claires. Donc, mon frère, tiens ferme. N'abandonne pas, bien-aimé. N'abandonne pas. Ne fais pas comme Démas 2 Timothée 4, 10. Démas m'a abandonné par amour de ce siècle. Démas avait des difficultés. Il a suivi Jésus pendant des mois, des années. Mais comme des difficultés, les épreuves étaient là, il a dit, bon, c'est pas grave, ce qui m'arrivera, m'arrivera, je retourne dans le monde. Satan se frotte les mains. Et il y a quelqu'un qui avait écrit un livre. Je crois que ce qu'il avait dit est vrai. Il dit, le diable va t'attaquer jusqu'au dernier jour de ta vie. Pourquoi? Parce que Satan a vu qu'il y a des gens qui étaient en Jésus pendant 10 ans. Il a réussi à les ramener dans le monde. Il a réussi à amener dans le monde même certaines personnes qui ont fait 20 ans en Christ. Il les a ramenées dans le monde. Le diable a remarqué que même des gens qui ont fait 30 ans en Christ, il est arrivé à les ramener dans le monde. Bien sûr, par les difficultés. C'est la raison pour laquelle, je te le dis frère, ouvre bien les oreilles. C'est pourquoi Satan t'attaque, Satan te dit, elle n'a que 7 ans en Christ. Moi, j'ai réussi à ramener dans le monde des gens qui avaient 30 ans. Qu'est-ce qui me prouve que celui-là va tenir jusqu'à la fin? C'est comme ça que Satan raisonne. Tu te dis, bon, moi, je suis en Christ depuis 19 ans. Le diable dit, ah non, attaquez. Parce qu'il nous est déjà arrivé d'amener dans le monde quelqu'un qui avait 40 ans en Christ. C'est pourquoi le diable ne te lâchera pas jusqu'au dernier jour de ta vie. Parce qu'il est dans l'espoir. Il se dit, on continue. Puisque certaines personnes qui avaient 35 ans en Christ ont décroché, qu'est-ce qui nous prouve que celui-là ne va pas décrocher? C'est pourquoi il continue les attaques jusqu'au dernier jour de ta vie. À toi de tenir ferme. C'est pourquoi la Bible dit, c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin, qui sera sauvé. Mais pourquoi la Bible dit persévérance jusqu'à la fin? Parce que le diable ne te lâchera pas. C'est pourquoi il faut persévérer jusqu'à la fin. Il y a certaines personnes qui ont été en Christ pendant 40 ans. Ils ont abandonné le monde. Ils ont abandonné le Seigneur. Je pense à une chrétienne, la femme d'un pasteur aux États-Unis. Plus de 30 ans en Christ, elle servait le Seigneur avec son mari. Et puis le diable a commencé à lui dire, elle a commencé à raisonner. Oh, je fais quoi ici? Il n'est même pas riche. Une belle femme comme moi. Alors que les gens me draguent, des hommes d'affaires me draguent dans les rues. Et c'est comme ça qu'elle va abandonner son mari. Elle va commencer à tromper son mari et sortir avec un homme d'affaires qui avait le pognon. Elle avait plus de 30 ans en Christ. L'homme était obligé de chercher une autre femme pour se remarier. Voilà comment le diable l'a amené dans le monde. Cette femme de 30 ans, c'est pourquoi Satan t'attaque. C'est pourquoi la Bible dit, c'est celui qui persévère jusqu'au bout, jusqu'à la fin qui sera sauvé. Mais pourquoi Dieu dit jusqu'à la fin? Parce que Satan t'attaquera toujours. Il peut t'attaquer aujourd'hui par le boulot. Par la grâce de Dieu, tu as le travail. Le diable dit, ok, Dieu lui a donné du travail. On va regarder dans un autre domaine de sa vie où on peut l'attaquer. Satan va toujours trouver quelque chose. On va l'attaquer dans son corps par des maladies. Dieu réussit à te guérir. Le diable dit, bon, là on ne peut plus passer par la maladie puisque Dieu l'a guéri. On va tout faire pour qu'il ne fasse pas d'enfant. On va tout faire pour qu'il n'arrive pas à faire quelque chose avec l'argent qu'il gagne. Il gagne des millions mais il ne fait rien avec. On va tout faire. On va le rendre bordel. Il a une femme, mais on va tout faire pour le mettre son cœur sur les filles de dehors. Tout ça a un seul but, de t'arrêter. Bien-aimés, soyons déterminés. Soyons des personnes blindées. Quelle que soit l'attaque de l'ennemi, quel que soit là où il va toucher, on est avec notre Seigneur Jésus-Christ. Franchement, bien-aimés, c'est très important ce que je tenais à vous dire. Il faut que tu comprennes que Dieu est content. Quand Dieu te voit prier, il a le sourire. Quand Dieu te voit lire la Bible, il est content. Mais Satan est vraiment dans une colère pas possible. Béni soit Dieu le Père. Satan a été vaincu au ciel. Il est venu sur la terre. Jésus-Christ est venu encore sur la terre. Il l'a encore tabassé. Vous vous rendez compte? Défaite au ciel, défaite sur la terre. Défaite au ciel, défaite sur la terre. Nous sommes sauvés. Jésus-Christ a vaincu le diable et ses démons. Nous sommes sauvés. Il est écrit, Jésus nous a délivrés des puissances des ténèbres et nous a transportés dans son royaume. On était enchaînés, gérés, contrôlés par les démons. Jésus les a tous foutus à terre. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Je voudrais terminer en te disant quelque chose. La personne qui détenait les clés de la mort et du séjour des morts, c'est le diable. Lorsqu'il était sur terre, avant l'arrivée de Jésus, c'est Satan qui tenait les clés. Il pouvait jouer avec la vie des hommes. Il régnait. Il a dit, comme je n'ai pas pu régner au ciel, on m'a vaincu là-bas, je vais régner sur les hommes. Et c'est lui qui faisait le patron. C'est pourquoi quand Jésus vient, il a vu que non, celui-là veut me tenir tête. Là, comme je n'arrive pas à la voir, toutes les propositions que je lui fais, il les rejette. Bon. Pour qu'il ne soit pas là à m'embêter, à me casser les pieds, je vais pousser les hommes à le tuer. Comme ça, l'affaire est réglée. Mais il n'est pas dans la sagesse de Dieu. En le faisant, il a mis le couteau sur lui-même. Donc, bien aimé, c'est ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle il a été vaincu au ciel, il a été vaincu sur la terre. Réjouissons-nous, bien aimé, que Dieu vous bénisse.